amoureux. Il est plein de problèmes. Il a un grand je t'aime qui lui barre les yeux. Et dans chaque tableau, il déclare sa flamme à l'impossible femme qui hante ses pinceaux. Le peintre est amoureux. Il sent son cœur s'éteindre et son envie de peindre mourir à petit feu. Le peintre est amoureux et sur sa toile blanche il ne voit que ses hanches et sa bouche et ses yeux. Un jour cette peinture s'achètera des millions. Un jour cette peinture fleurira ta maison. Et tu ne sauras pas que pour ce tableau-là, mon peintre à moi, il a failli mourir d'amour. Le peintre est amoureux. Et au bout de sa manche, son pinceau se balance. Il ne peut rien de mieux. Le peintre est amoureux, son génie l'abandonne, il ne voit plus personne, il a le cœur qui pleut. Un jour cette peinture, peut-être après sa mort, finira sur tes murs ou dans tes coffres-forts, et tu ne sauras pas que pour ce tableau-là, mon peintre à moi, il a failli mourir d'amour. Le peintre est amoureux. Il se cache, il se terre. Il se couche, il s'enterre. Il a mal au milieu. Le peintre est amoureux. Il est sans espérance. Il peindrait vive la France si ça le rendait heureux. Le peintre est amoureux, plus rien ne le console, pas même mes paroles, le peintre est amoureux.